deux autrices de lauréates de l'IUPL, prix de littérature de l'Union européenne. Sophie Dole l'a remporté en 2019 avec Au Grand Lavoir, paru aux éditions Philippe Ray, et Isabelle Wery en 2013 avec Marilyn Desossés, publié aux éditions Maelstrom. Si leur voix et leur thématique semblent différentes, leur démarche et leur personnalité ne sont pas si éloignées. Toutes deux partagent l'amour de la scène et un lien fort au mouvement. Toutes deux déroutent par leur manière de parler d'amour, de mort, de leur trajet personnel à travers des mises en abîme délicates, plus encore que des autofictions classiques. Sous leurs mots, qui racontent une histoire, se dégagent bien souvent d'autres strates de compréhension et de lecture, délicates et subtiles. Au cours de cet échange, vivant et dynamique malgré quelques soucis de connexion, dont nous nous excusons, vive la distance et les zones blanches, Isabelle et Sophie laissent exprimer leur singularité d'artiste, les liens, visibles ou invisibles, entre les arts qu'elles pratiquent et la manière dont ils s'imprègnent. Il est question d'écriture et d'inspiration, comme souvent dans les podcasts Book & Issues, mais aussi de dialogue, d'échange, de découverte. Bonne écoute et bonne lecture. Alors Sophie, Isabelle, vous avez des univers et des styles d'écriture très différents chacune. Comment vous définiriez-vous vous-même en quelques mots pour vous présenter à celles et ceux qui ne vous ont peut-être pas encore lu? Eh bien, je me définis un peu comme une actrice de théâtre qui écrit, puisque ma formation première, c'est le théâtre, et que mon grand bagage littéraire vient de là, ma pratique de la dramaturgie, de l'apprentissage de texte, etc. Et je dirais aussi, je me vois comme un corps sismographe comme ça, qui est à l'affût des soubresauts du monde, qui observe notre monde contemporain et puis qui, à partir de cette observation, échafaude, crée des univers fantastiques qui abordent des thèmes totalement ancrés dans notre présent. Voilà. Une forme de hackeuse d'image aussi, je dirais, parce que je pratique une littérature qui est assez imagée. Et ce que j'adore en fait en littérature, c'est sa dimension art visuel qui est un art de l'image mais créé par des mots. C'est assez passionnant, des mots qui viennent percoler dans l'imaginaire des lecteurs, et qui viennent créer des images dans leur tête. Ouais. Et on reviendra après au lien à la scène et au côté théâtre que vous partagez chacune. Sophie, toi, quelle serait ta définition de ton univers, de ton style ? J'ai presque envie de rebondir en inversant sa formule. Elle m'offre ça sur un plateau. Moi, j'ai l'impression d'avoir été plutôt une graphomane, quelqu'un qui est obsédé par l'écriture, les mots, le verbe et tout ça, qui a fini par passer tout ça par la scène, parce que ça s'est produit comme ça. Mais j'ai l'impression que je baigne davantage dans la matière des mots littéraires que dans l'oralité à la base. Cette notion du bruit du monde là et de collecte sismographique, c'est quelque chose qui m'agite pour la scène, au contraire, même si je dois jouer un personnage du XVIIe siècle dans une tragédie classique, par exemple, je me sens beaucoup plus animée par les soubresauts du mot sur scène que dans mon écriture, que je définirais du coup comme pas auto-centrée ou égocentrée, parce que c'est pas très sympa pour ma pomme, mais moi j'aime bien explorer tous les mouvements secrets de ma vie, de mon monde, sotto voce. Tout ce qui n'est pas la vie utilitaire, tout ce qui n'est pas la vie sociale, tout ce qui est la vie des petits secrets qu'on a avec nous-mêmes ou des sensations qu'on a et qui sont absolument en dehors de ce que le quotidien peut nous amener à ressentir. J'aime beaucoup explorer ces toutes petites choses un peu par défaut. Et alors, c'est pas une écriture minimaliste parce que j'ai un grand goût aussi de l'image et de la splendeur de la langue, et de cette traduction par les mots de ce qui nous est donné aussi à voir. Mais voilà, le mot sera lâché, c'est une écriture de l'intime. J'ai une fréquentation des mouvements du monde aussi qui est épidermique. Je suis contaminée tout le temps par aussi bien les choses de la nature, les injustices sociales, que la vie des uns et des autres. Donc, il y a une énorme porosité qui fait que même si je voulais rester auto-centrée dans l'exploration de mon intimité, c'est tellement poreux qu'à un moment donné, je suis contaminée et ça s'élargit malgré moi et par le biais de la langue qui vient épaissir le champ de l'écriture. C'est très organique ce que tu dis aussi pour rebondir. Et puis parce qu'on s'ennuie assez vite avec soi. C'est une définition aussi très, très organique que tu viens de donner, qui a un écho à la tienne, Isabelle, où tu parlais de séisme. C'est amusant cette approche que vous avez chacune de quelque chose qui est assez, on va dire, qui donne pas forcément l'idée d'un tremblement de terre, écrire sur un, voilà, devant son ordinateur, sur un papier. Comment c'est venu chez toi, Isabelle, ce ressenti et cette définition du ressenti? Ah, c'est parce que j'ai une très sensibilité depuis que je suis enfant et que je suis à la fois de mes propres sensations mais celles des autres aussi de voir comment mes contemporains le monde autour de moi s'agite et comment ce monde perçoit la vie, le fait d'être en couple. Et voilà, et oui, et le corps est cet organe qui est le vecteur, qui ressent tout et qui est labouré par des événements, par des sensations, par de la connaissance, etc. Et c'est un, je le vois comme un champ labouré. Et à partir de là, l'écriture jaillit ou le spectacle jaillit, ça dépend. Ouais. Et quelle est la complémentarité, tu viens de parler de spectacle, que vous trouvez chacune entre le côté scénique, donc qui est très fort pour l'une et l'autre, et l'écriture, on peut dire, littéraire, même si j'aime pas beaucoup ces distinctions, mais c'est pour simplifier un petit peu, qui est plus solitaire. Quelles sont un peu les différences que vous ressentez et comment est-ce que l'une... Une écriture nourrit l'autre. Sophie, par exemple, comment est-ce que tu vis ça? Mais tu parlais de cette dimension organique et je crois que même si je suis assise derrière mon ordi ou devant un cahier dans un troquet pour écrire, donc dans cet aspect solitaire et statique, je sens, comme dit Isabelle, tout mon corps envahi par le mouvement de la langue. Et les muscles, les tendons, la peau, les ligaments, il y a une espèce de réaction complètement organique, physique, au bouleversement que la langue provoque dans le corps et qui devient presque le sang qui circule dans mes veines, quoi. Et cet élargissement dont je parlais tout à l'heure, cette épaisseur du monde qui vient ruisseler dans mon être, prend cette forme qui passe, et pas cérébrale, hein, pas du cerveau à la plume, mais vraiment de tous mes organes jusqu'à devenir de l'encre couchée sur le papier. Et je suis remuée sans arrêt, je suis jamais tranquille, jamais en paix. Il y a une intranquillité dans le fait même d'écrire qui rejoint l'agitation qu'on peut mettre sur scène aussi. Et c'est l'écho que nous fait le monde aussi, même si on se replie, même si on va vers l'isolement, la concentration, etc. Ça vibre de partout, tout le temps. Et puis bon, moi, c'est aussi par la perte, par le deuil, par le gouffre, par l'absence que je suis rentrée en écriture pour compenser les morts qui m'ont accablée et ce remuement de glaise qui se recompose aussi des fantômes, des morts, de leurs os, de leurs squelettes, etc. C'est aussi une dimension qui a son épaisseur dans mon écriture. Oui, c'est un truc de compost un peu. Oui. Très organique. À nouveau, ce que tu viens de décrire, peut-être Isabelle, tu auras la même perception. On aurait dit que tu parlais de danse contemporaine plus encore que de théâtre. Dans ce côté, tu parlais des muscles, des tendons, ton ressenti. C'est quelque chose, Isabelle, j'imagine que tu partages également. À fond, le corps. Le corps, c'est aussi la musique, en fait. C'est les battements du cœur, c'est le rythme, le sang qui bat dans les veines, etc. Et l'écriture, c'est de la musique aussi, c'est du rythme, c'est de la rythmique. C'est son pouvoir de transe aussi, cette rythmique qui agit vraiment sur l'organique. Ce que j'adore au théâtre, évidemment, c'est l'aspect chair et d'os de spectacle qui a lieu ici maintenant en compagnie d'un public en chair et en os et un lieu de la démocratie qui se fait vraiment dans le moment présent. Et ça, c'est vraiment très, très, très précieux au théâtre, très différent de ce qui se passe en littérature. Évidemment, quand le lecteur, la lectrice lit, il est chez elle et tout se passe dans son imaginaire à elle, dans une forme de solitude. Mais c'est deux modes d'exploration, de création tellement, tellement différents. On dit aussi que souvent on dit que c'est une forme de solitude, l'écriture. Et moi, pourtant, comme on disait tout à l'heure, j'ai l'impression d'être tellement connectée avec tout ce qui m'entoure, avec, oui, en effet, les bruits du café, avec les infos qui défilent, avec l'énergie des lieux aussi, parce que je voyage beaucoup et j'adore écrire en dehors de chez moi. J'adore être dans un bistrot, dans n'importe quel bout du monde et écrire de là, de sentir un quotidien différent du mien et qui m'anime en fait. Voilà. Et puis une chose aussi, le théâtre et l'écriture de romans, c'est que le livre est un objet pérenne, a priori. Et qu'au théâtre, après quelques années de pratique, d'expérience, on se rend compte que tout est éphémère et on n'a rien pour les soirs d'hiver au bord de la cheminée. On n'a rien à quoi s'accrocher. Le livre, il est là, il voyage, il vit facilement, tout seul, et il voyage très facilement. C'est un rapport aussi qui me touche, moi, c'est de laisser une matière aussi qui peut être consultée, qui est consultable et qui est autonome, en fait. Sophie, je suis complètement en phase avec Isabelle quand elle parle de cette matérialité du livre, du meilleur ami, quoi, de cette chose qu'on peut avoir dans sa poche, contre son cœur, au fond d'un sac, qui nous accompagne absolument tout le temps et qui ne sera jamais défaillant quant à sa fidélité et à sa pertinence de l'instant présent. En revanche, là où peut-être je me dissocie de son rapport qu'elle décrivait tout à l'heure, c'est moi je compartimente énormément la dimension théâtrale et la dimension littéraire. Je n'ai peut-être pas réussi d'ailleurs à trouver le pont, mais ça m'intéresse pas tellement qu'il y en ait un pour l'instant. J'aime bien être sur l'une ou l'autre de ces deux rives qui cheminent tous les deux dans le champ des auteurs, de la langue, de la lettre, de la belle lettre, du verbe, etc. Mais j'aime bien observer les deux endroits d'une rive sur l'autre sans forcément chercher à faire un pont. Par exemple, d'ailleurs, quelque chose qui illustre ce que je dis, c'est que dans mes romans, il y a très peu de dialogue. En fait, je ne sais pas dialoguer, je ne sais pas écrire pour le théâtre. L'amplitude de la littérature pour moi dans une description large, épanouie, qui n'est pas rétrécie à l'impératif d'une réplique et qui nous laisse un rapport au temps aussi complètement différent de celui du théâtre, dans une beaucoup plus grande, je trouve, liberté, à la fois ou bien de rétrécissement ou bien d'élargissement. Mais enfin, j'ai peur d'être confuse maintenant, mais j'aime bien que ces deux registres de pratique de la langue, du verbe et puis de ces émotions aussi politiques, publiques, soient chacune sur une rive différente. J'ai l'impression que ça m'augmente de chacune des deux matières plutôt que de absolument tenter une réconciliation, même s'il n'y a pas de bataille, mais de tenter un pont. Et moi, c'est un de mes grands dadas en théâtre pour l'instant, enfin en tout cas dans le domaine de la performance, c'est faire des ponts entre littérature, théâtre, art plastique, musique, en créant des formes qui les associent. dans ma pratique théâtrale, je suis un peu à cet endroit-là de recherche. C'est amusant cette, alors on peut dire approche différente, mais qui est très complémentaire en fait, ouais. Chacune. Ouais. Oui. Oui. Oui, c'est absolument pas. Absolument. Et comme spectatrice, moi je suis immensément gourmande de performances dans la nature de celle que décrit Isabelle. C'est-à-dire que le croisement des disciplines, le grand champ des possibles élargi aux arts plastiques, à la scansion, à la poésie sonore, à la représentation visuelle. Comme spectatrice, je suis gourmande de ça énormément. Mais dans ma pratique, je crois que mon amour du mot, du français, c'est un peu rétro ce que je dis, hein, mais est tel que j'aime bien aussi cette dimension conservatoire d'être dans le soin grammatical, d'être dans cette attention au rythme, comme tu disais tout à l'heure, à l'allitération, à l'alexandrin, pourquoi pas. Enfin, il y a toute cette dimension-là qui fait que pour l'instant, je ne m'émancipe pas assez, peut-être, pour faire le grand saut et jaillir autrement dans une performance plus totale, d'art total. Vous avez un autre point commun à chacune qui vous rassemble dans ce podcast, c'est que vous avez toutes les deux remporté l'IUPL, donc le prix de littérature de l'Union européenne, il y a quelques années chacune. Qu'est-ce que cela représente pour vous, à représenter avec justement le recul de ces années qui sont passées depuis que vous l'avez remporté? Eh bien, pour moi, ça a apporté énormément parce que ce prix a vraiment, je dirais, professionnalisé, affirmé ma pratique de l'écriture de roman. Puisque c'est mon deuxième roman qui a reçu le prix de l'UPL. Et ce deuxième roman, je l'avais un peu écrit, il était extrêmement expérimental et j'étais moi-même dépassée par ce roman. J'avais une espèce de j'avais donné naissance à une espèce de monstre comme ça, un fric, hein, une espèce de roman cuir qui me laissait perplexe en fait, et dont je ne savais que penser, donc j'étais pas très sûre malgré le fait qu'il était édité, et le recevoir ce prix, évidemment ça m'a rassurée, je dirais, oui, parce qu'il y a eu de multiples traductions et un accueil vraiment très chaleureux par les maisons d'édition étrangères. Et je me suis rendu compte qu'en fait ce roman qui me laissait perplexe avait une dimension universelle et plus féministe que je ne le pensais, et une dimension libératoire aussi, et en tout cas il était susceptible de toucher des cultures différentes de la mienne, et parce qu'il a même été lu jusqu'en Chine, donc j'ai eu des retours de lectrices, de lecteurs chinois, et c'était vraiment intéressant. Et puis depuis ce prix, j'ai reçu énormément d'invitations à participer à des événements internationaux importants comme le Shanghai Europe International Festival en Chine, ou la Feria del Internacional del Libro à Guadalajara au Mexique. Et ça, c'est des moments, des expériences qui ont vraiment été fondatrice, je dirais, dans mon parcours, parce qu'elles m'ont fait découvrir d'autres auteurs, d'autres cultures et d'autres manières de pratiquer la littérature. C'est d'une richesse énorme. Sophie, c'était pour Au Grand Lavoir, publié chez Philippe Ray, aux éditions Philippe Ray, c'est... Exact, oui. Je vais rejoindre concernant les questions de visibilité, de légitimité, ce qu'a évoqué Isabelle. C'est vrai qu'on est renforcé avec un prix comme celui-ci dans notre aventure d'écrivain, dans notre oui, c'est, ça légitime tant d'efforts à ça. Moi aussi, les traductions, alors elles n'ont pas été jusqu'en Chine, hein, mais elles m'ont permis de fréquenter. J'ai aussi été invitée dans des régions qu'on connaît peu, en fait, qui sont en Europe. J'ai beaucoup circulé dans les pays balkaniques, Slovénie, Roumanie, Serbie. Et alors là, j'ai rencontré effectivement sur des territoires qui sont peut-être pas aussi exotiques que la Chine ou le Mexique, mais des aventures européennes qui sont aussi des chamboules. Histoire, tous ces territoires ont toujours été tampons pendant les grandes guerres entre l'Orient et l'Occident, avec des personnes désossées comme Marilyn par des fracas géopolitiques dont ils ont toujours été plus ou moins quand même les victimes, en tout cas les dindons de la farce. Et c'est comme ce livre traitait du pardon, ou en tout cas de comment est-ce qu'on négocie une dette de privation de vie avec son quotidien. Eux-mêmes, je me suis rendu compte qu'ils étaient extrêmement sensibles à cet aspect-là, parce qu'ils sont aussi tout le temps en train de se lécher des blessures dans ces contrées-là, balkaniques, d'Europe centrale. Ils sont tout le temps en train de se râper des écorchures de l'histoire. Et comment on pardonne aussi bien aux nazis qu'à l'Union européenne, justement. Enfin, et j'ai été touchée vraiment par l'écho de ma petite histoire perso, où j'évoquais l'assassin de ma mère et comment je pouvais négocier leurs sentiments, etc., et leur façon, eux, d'élargir ça à l'histoire plus générale. Ça m'a énormément touchée. Puis mon bouquin, il se passe à Nogent-le-Rotrou, qui est un tout petit bled en France, et d'imaginer que des gens de Sofia ou Novi Sad soient dans un champ de patates à Nogent-le-Rotrou, j'ai trouvé cet éclatement des frontières absolument jubilatoire. Et vous avez eu chacune des échanges justement avec des lecteurs, lectrices très différents et différentes de celles et ceux que vous pouvez rencontrer dans vos, on va dire, circuits respectifs. Justement, Sophie, tu as pu échanger, viens de prendre un exemple assez amusant sur la distance de Nogent-le-Rotrou et Novi Sad. Ce sont des échanges avec le public qui t'ont aussi montré l'universalité de ton roman. Oui, absolument. J'ai été reçue en librairie ou à l'occasion de salons du livre ou de manifestations provoquées par les éditeurs étrangers. Mais en même temps, le lecteur, la lectrice, pareil, c'est universel, qu'il soit roumain, bulgare, mexicain ou chinois. Je crois que quelqu'un qui est stigmatisé par l'amour du livre, l'amour de l'écrit, cet objet-là, hein, dont on parlait tout à l'heure, qu'on a toujours avec soi, mais quelque part il est complètement universel, il est mondialement le même. Et d'ailleurs plutôt c'est mondialement la même, hein, puisqu'on est quand même d'accord aussi que c'est assez genré, cette histoire de lectrice. Oui. Donc j'ai pu constater aussi que dans les pays étrangers, c'est la même chose qu'en France, les rencontres comme ça où les gens sont curieux du livre ou du roman, c'est majoritairement des gonzesses quand même. Mais tant mieux. Oui, pour une fois qu'on est majoritaire quelque part. Isabelle, c'est niveau de ton ressenti et voyage et rapport avec l'électrice, puisque le féminin peut l'emporter tranquillement, c'est la même chose. Mais oui, je rejoins ce que disait Sophie, c'est que c'est vrai qu'en étant amenée à voyager dans des régions moins exotiques, comme tu disais, comme les pays des Balkans, etc., ça m'a aussi complètement bouleversée et donner à voir une Europe qui est encore extrêmement, comme tu disais, meurtrie et qui lèche ses plaies, comme tu dis. C'était vraiment très, très, très intéressant. Puis ce qui me touche beaucoup aussi, c'est ces invitations en université et de pouvoir côtoyer directement les étudiants et de sentir le pouls d'un pays européen qui est à la fois lointain et pas lointain, parce que quoi qu'il en soit, on fait partie de l'Europe, mais tous de l'Europe, mais on a quand même des ressentis des passés vachement différents et des sensibilités différentes. Oui, là-dedans, la proximité géographique fait que nous sommes, comme tu dis, tous en Europe, mais que notre rapport à l'histoire et notre manière de l'avoir vécu nous différencie fortement. Ouais, totalement. Totalement. Et pour finir cet échange, je vais vous demander à chacune ce sur quoi vous travaillez, quels sont vos projets, vos envies, aspirations du moment, que préparez-vous? Isabelle, toi, tu viens de sortir un roman au Diable Vauvert, rouge western. C'est ça. Tu dois être donc en pleine promo, mais est-ce que tu es déjà sur autre chose? Ah, il y en a. Oui, bien sûr, il y a toujours plusieurs projets sur le feu, comme on dit, mais c'est vrai que la promo de Rouge Western me prend, et avec grand plaisir, pas mal de temps. Mais alors, je suis en train de préparer une performance, justement, à partir du roman, une forme de sieste sonore avec une musicienne et un plasticien. Et c'est une performance qu'on présentera l'année prochaine au FIL, au Festival International de la Littérature à Montréal. Donc, on travaille là-dessus. Voilà. Et puis, il va y avoir bientôt aussi la Feria Internacional del Libro à Guadalajara, au Mexique, à nouveau. Et là, ça va être puisque l'Union européenne, en fait, est invitée d'honneur cette année. Donc, j'y vais en tant que autrice belge francophone. Et puis, des projets de mise en scène et d'un futur roman, oui, bien sûr. Bien sûr. Et toi, Sophie, qui est dans un territoire peu couvert en réseau et en activité? Absolument. Alors, ça n'a. Je suis une piètre touriste. Figurez-vous que je n'ai jamais pris l'avion pour aller sur le continent Amérique du Nord ou Amérique du Sud, j'ai jamais mis les pieds, je n'aime pas voyager. Il me faudrait plusieurs vies et j'en ai qu'une. Alors je rétrécis le champ d'expérimentation pour me dépayser autrement. Et de la même manière que j'étais terriblement dépaysée en Roumanie ou en Bulgarie, eh bien là, je continue à rétrécir la bulle et je me trouve totalement dépaysée dans ce petit village de l'Allier, où j'ai été reçue pour une résidence d'écriture de 3 mois, donc c'est vraiment de la longue durée, en échange évidemment d'une médiation culturelle en direction commune, où je suis en train de pondre pour eux un projet qui prendra une forme théâtrale pour essayer de mettre en lumière ces formes de stigmatisation, de ségrégation que les gamins de la campagne. Il n'y a pas la piscine parce qu'il n'y a pas de théâtre, il y a le premier Cinoche à 30 km, etc. Et comment ces invisibles de la République sont aussi des oubliés qui comptent d'autant moins qu'il y a toujours des projets pour les cités, pour les banlieues. Hein, en France, on est très doué pour les plans urbains de la ville, et puis ça fait des émeutes, et puis là, on parle d'eux, et puis c'est bien. Mais en fait, ces gamins-là, qui vivent au cul des vaches, qui souvent ne connaissent même plus le nom d'une plante, hein, faut pas croire qu'ils sont pas tous en mode guerre des boutons, le petit garnement tout ébouriffé qui va à la pêche, et tout ça, c'est fini, hein, on n'en parle plus, ça, c'est un mythe. Donc, je suis sur un projet de roman qui va interroger cette ruralité-là, dont on sait aussi que le geste électoral est souvent porté sur l'extrême droite. Pourquoi ? Est-ce que ce sont vraiment tous des monstres ? Est-ce que ce sont vraiment tous des fascistes et des nazis en puissance ? Ou est-ce qu'ils ne sont pas aussi en train d'exprimer avec ce vote un ressentiment plus profond sur la façon dont on les a déconsidérés, dont on les a négligés, ces bouseux, là, ces péquenots. Et pourtant, le monde agricole subit des crises terrifiantes. Et, enfin, voilà. Donc, je suis dans la rédaction d'un projet dont le brouillon est permanent dans ma tête, qui traîne depuis un moment déjà, mais les obligations alimentaires m'ont interdit d'y donner tout le temps que je souhaite y consacrer. Donc là, j'ai de bonnes conditions de travail. Je vais mettre en place le projet pour les collégiens. Et puis quand j'aurai trouvé mon rythme de croisière, je vais vraiment m'immerger là-dedans et continuer l'écriture. Bon, ce sont de belles perspectives pour chacune. Et je vous remercie d'avoir pris ce temps pour parler de votre écriture, de vos univers, de l'Europe, de l'UPL et autres.